tiens notre aile aux années-là. Cette terre a tant bien planqué, elle a résisté sans s'y frotter. Se piquer quand même un peu les bras. Casa! Casa! Elle est chargée! Quelques encablures, mais je sais que tout finira à quelque part de là. Et je sais que tout finira. Je sais que tout finira. Casa. Casa. Casa.